Chapitre 12. Les promesses. Ophélie fut tellement choquée qu'elle n'eut pas la présence d'esprit d'avoir peur. Thorn était méconnaissable. Le sang s'écoulait de son front, de ses narines, de sa bouche, comme les innombrables affluents d'un seul fleuve, barbouillant les cheveux, engluant les paupières, dévalant la pente vertigineuse du nez et peignant de longues traînées pourpres sur la chemise blanche. « Ah, c'est vous !» dit-il en abaissant le canon de son pistolet. « Vous devriez vous annoncer en arrivant. Je ne vous attendais plus. » Thorn s'était exprimé d'une voix grave et posée, à peine gênée par sa lèvre fendue, à croire qu'aucune apocalypse n'avait ravagé son intendance. D'un mouvement de main, il fit pivoter le pistolet sur lui-même et le présenta à Ophélie par la crosse. « Prenez-le. N'appuyez sur la détente que si c'est strictement nécessaire. Ils ne reviendront sans doute pas, mais restons vigilants. » Ophélie n'eut pas un regard pour l'arme. Elle ne voyait que le sang. Elle fournissait des efforts considérables pour ne pas avoir l'air horrifiée. « Qui vous a fait ça ?»« Cette question-là ne me tracasse plus tellement, » dit Thorn avec flegme. « Je le leur ai bien rendu. En revanche, j'aurais apprécié qu'ils fouillent mon bureau avec davantage de soin. Je vais en avoir pour des heures à tout remettre en ordre. » Comprenant qu'Ophélie ne toucherait pas au pistolet, Thorn le glissa sous sa ceinture et attrapa au vol une feuille de papier qui tourbillonnait devant lui. « Demande de subvention pour l'embellissement extérieur des habitations. » Déchiffra-t-il entre ses dents. « Ça, c'est pour la pile du téléphone. » Incrédule, Ophélie vit Thorn traverser le cataclysme administratif à longues enjambées et coincer le formulaire sous ce qui avait dû être autrefois l'appareil de téléphonie. Elle repéra des piles semblables dans toute la pièce, sous la corbeille, sous le cendrier, sous des pieds de chaise, tels d'étranges nids cherchant à échapper au vent. Sur chaque papier, il y avait le sang du Thorn. Ophélie trouva extraordinaire qu'un homme aussi méthodique n'eût pas pensé prioritairement à se soigner, alerter la sécurité et réparer la fenêtre avant de se soucier de ranger. Il était maintenant assis sur le parquet, occupé à trier tout ce qui lui tombait sous la main. Ophélie noua son écharpe de façon à contenir ses cheveux que le vent agitait dans tous les sens, puis elle risqua un coup d'œil par l'œil de bœuf. Elle vit d'abord l'aplomb vertigineux du mur qui se perdait dans la brume tout en bas. Ceux qui avaient brisé la vitre depuis l'extérieur étaient de fameux acrobates. L'espace d'un instant, elle s'était demandé si le chevalier n'avait pas récidivé, mais ça ne ressemblait pas à sa façon de faire. Quand elle se tourna vers la penderie d'où elle était venue, Ophélie comprit mieux pourquoi elle l'avait trouvée ouverte. Elle aussi avait été sauvagement vidée de ses affaires. Ophélie ramassa un manteau jeté par terre qu'elle parvint à pincer dans le cadre de l'œil de bœuf. Le vent cessa d'inonder la pièce, et les papiers retombèrent mollement au sol, comme des feuilles d'automne. Claquant des dents, Ophélie ouvrit au maximum le robinet du radiateur en fonte et tourna les vis des lampes à gaz, augmentant autant que possible la lumière et la chaleur des flammes. Comment pouvait-il faire aussi froid au début du mois de juin? Thorn la laissa faire sans un mot ni un regard. Ses membres repliés comme de grandes pattes d'araignée, il était toujours installé sur le parquet, occupé à récolter, examiner et classifier tout ce qui ressemblait à du papier. Ses yeux métalliques à demi obstrués par les croûtes sombres étincelaient de concentration au milieu de la surface ravagée du visage. Quand il repoussa ses cheveux en arrière, ils restèrent figés comme des épines rouges. « Thorn !» murmura prudemment Ophélie. « Je ne voudrais pas vous affoler, mais vous, eh bien, vous n'avez pas très bonne mine. » « Coupure au front, fracture du nez, deux molaires cassées et quelques muscles froissés, » énuméra-t-il, sans lever le regard de son tri. « Ne vous laissez pas impressionner par le sang, ce n'est que le mien. » « Vous avez une pharmacie ?» J'en avais une. Dernier tiroir du bureau. Ophélie s'accroupit sous la table, trouva un coffret de bois laqué et en déversa accidentellement le contenu par terre. À sa grande surprise, il n'y avait là que des dés, des dizaines, des centaines de petits dés. C'était la collection la plus bizarre et la plus inutile qu'elle avait jamais vue. Elle finit par localiser le tiroir à pharmacie derrière le fauteuil du bureau, guidée par l'odeur étourdissante qu'il dégageait. Les flacons qu'il avait contenus étaient cassés. Dans l'espoir de trouver un survivant, Ophélie farfouilla les débris avec précaution, mais aucune bouteille n'était intacte et il n'y avait ni pansement, ni bandage, ni compresse, ni sparadrap. « Vous devez voir un docteur, » conclut-elle. « Non, » répondit Thorne. « Je dois ranger ces documents. L'intendant se rouvrira ses portes à 8 heures tapantes, pas une minute de plus. » Tandis que son écharpe s'ébrouait frileusement sur ses épaules, Ophélie s'agenouilla sur le parquet, en face de la silhouette arachnéenne de Thorne. Elle lui remit le paquet de feuilles qu'elle avait ramassé en chemin. « À votre guise, maintenant, dites-moi, que s'est-il passé exactement ?» Thorne examina un fac-similé à la lumière d'une lampe tandis qu'il répondait. « Deux individus masqués ont pénétré dans l'intendance par effraction, après avoir escaladé le mur extérieur. » Ils m'ont posé quelques questions auxquelles je n'ai évidemment pas répondu, puis ils ont cherché ici ce qu'ils n'ont pas obtenu de moi. Mes griffes abattardies ne valent peut-être pas celles de ma famille paternelle, mais couplées à un pistolet, elles peuvent être dissuasives. Ces messieurs sont repartis bredouilles, par la fenêtre. » Pour illustrer ses propos énoncés à la façon d'un procès-verbal, Thorne fouilla sa poche de chemise et sortit un sachet de velours noir. « Un nez et un auriculaire !» annonça-t-il en secouant le sachet. « Mes agresseurs seront désormais dotés de signes distinctifs qui faciliteront une future enquête. »« Qu'est-ce que ces gens vous voulaient ?» demanda Ophélie en essayant de ne pas se focaliser sur le sachet. « Que cherchaient-ils ?»« Des informations confidentielles. Il se trouve que je suis en charge d'un dossier délicat qui implique des personnalités importantes. » Ophélie retint son souffle tandis que lui revenait le souvenir de sa lettre de menace. « À cause du livre de M. Farouk ?»« Quoi ?» grommela Thorne. « Aucun rapport. Je me consacre actuellement à la réhabilitation des déchus. » En un battement de paupières, Ophélie se remémora tous ces articles de gazette qui mettaient la population de la Citatielle en garde contre les déchus et la position ambiguë de Thorne à leur sujet. « Leur réhabilitation ? Bérénilde m'a dit que les crimes de ces clans étaient trop graves pour être jamais pardonnés. »« Ce n'est pas exact. » Si le corps dégingandé de Thorne ne bougeait presque pas, tordu en position de tailleur, ses bras et ses mains longilignes allaient et venaient sans cesse entre le chaos et l'ordre. Il défroissait, pliait, puis alignait les innombrables pièces de comptabilité. Sa méticulosité était telle que pas un seul papier ne débordait des nouvelles piles qu'il agençait. En y regardant de plus près, Ophélie s'aperçut que chacune de ces piles respectait même les lignes des lames du parquet, et cela dans une symétrie visuelle absolument parfaite. Elle eut une pensée pour la collection invraisemblable de dés et de flacons qu'elle avait trouvés sous le bureau, et se demanda sérieusement si Thorne n'était pas un peu toqué. Les déchus sont d'excellents chasseurs, les seuls qui soient aptes à affronter la faune de cette arche et protéger les populations. Si vous visitiez les villes du pôle, vous verriez que ce sont des héros aux yeux des sans-pouvoirs. C'est à cause de cela et de cela seulement qu'ils sont redoutés ici haut. Comment convaincre la cour de leur donner une nouvelle chance dans ce cas ? Grâce à la loi, répondit Thorne en s'attaquant à une autre pile de documents. La Constitution prévoit la possibilité de commuer le bannissement définitif en bannissement temporaire, si c'est dans l'intérêt général. J'en ferai la démonstration aux prochains états familiaux, ce 1er août. Le dossier contient des arguments de poids, bien à l'abri dans un coffre-fort. D'ici là, l'intendance représentera les déchus et les placera sous sa protection officielle, n'en déplaise aux intimidateurs. Conclut-il avec une loquacité toute professionnelle. Ophélie se rappela soudain cette pipe de porcelaine qu'elle avait lue pour Archibald. Le prévôt des maréchaux avait tué des déchus pour braconnage, et aujourd'hui, il était porté disparu. Si Ophélie n'avait pas observé scrupuleusement le secret professionnel, elle aurait été tentée de partager cette information avec Thorne. « Que sont les états familiaux ? » demanda-t-elle à la place. « Je n'en ai jamais entendu parler. » « Ils ne se tiennent qu'une fois tous les 15 ans. » À cette occasion, Farouk préside le Conseil des ministres et entend les doléances des trois États, les nobles, les déchus et les sans-pouvoir. Et pourquoi serait-ce à vous de représenter des déchus? Vous avez tout de même tué l'un des leurs. Fronçant les sourcils, Ophélie se rappela comme si c'était hier la façon dont Thorne avait annoncé la nouvelle au dîner, entre deux cuillerées de soupe, à croire que c'était la chose la plus anodine du monde. Légitime défense, rétorqua Thorne sans état d'âme. Si un déchu se met au service d'un noble pour se salir les mains à sa place, il doit en assumer les conséquences. De toute façon, les déchus n'ont pas le droit d'entrer à la cour, y compris pendant les états familiaux. Ils sont obligés de désigner un représentant. Ils ont fait un choix très raisonnable, en misant sur moi. Ophélie resserra davantage les bras autour de ses jambes et enfouit son menton dans l'écharpe. Le froid qui l'envahissait soudain était plus pernicieux que celui qui régnait dans l'intendance. Elle trouvait Thorne glaçant à lui parler ainsi, le nez dans ses papiers sans jamais la regarder en face. Entre sa chemise salie, ses intonations neutres et ses gestes mécaniques, il évoquait un automate rouillé soumis à un mouvement perpétuel. Au bout d'un silence, cependant, il consulta sa montre à gousset, tachée de sang elle aussi. « Vous en avez fini avec vos questions ? Bien, c'est donc à mon tour. » Thorne noua ses mains autour des genoux et mit enfin au repos ses grands bras qui pendaient maintenant à chaque épaule comme des poids morts. Son corps entier, moitié voûté, moitié tordu, s'était figé comme une machine à l'arrêt. Quant à sa sinistre figure, sillonnée par le sang et noircie par les coups, elle affichait une inexpressivité vaguement maussade. Ce calme n'était qu'une façade. Ophélie se raidit des pieds à la tête lorsqu'il leva enfin vers elle son long nez abîmé. Son regard s'enfonça dans le sien comme une lame de rasoir. « Que faisiez-vous chez Archibald aujourd'hui ?» Les intonations neutres de Thorne avaient cédé la place à une voix de plomb. Ophélie fut déstabilisée par la tournure personnelle qu'avait prise la conversation. Elle ne comprenait même pas comment Thorne pouvait être au courant de cela en s'étant isolée ici toute la journée. « Oh, ça, ce serait un peu long à expliquer. » « Nous avions rendez-vous, » souligna Thorne avec une lenteur redoutable. « Pourquoi Archibald plutôt que moi? Qu'est-ce qui le rend plus fréquentable ?»« Là n'est pas le problème, » bredouilla-t-elle. « Il y a eu un imprévu, c'est tout. »« Que dois-je donc faire pour que vous mettiez un terme à cette punition que vous m'infligez ?» À présent, les yeux de Thorne évoquait du métal porté à incandescence. Recroquevillée sur elle-même, Ophélie rentra le cou dans son écharpe, tout en s'obligeant à ne surtout pas détourner la tête. Elle ne voulait pas le montrer. Mais Thorne lui faisait soudain un peu peur. « Ce n'était vraiment pas prémédité, en fait. Je vous avais oublié. » En entendant cette réponse, Thorne se mit à considérer Ophélie avec une telle intensité qu'elle eut la sensation de rétrécir dans sa robe de chambre, tandis que lui, au contraire, ne semblait cesser de s'agrandir. Il fronça les sourcils jusqu'à faire craquer son masque de sang séché. « Vous ne m'aimez vraiment pas. » Ophélie sentit un frisson électrique se propager sur sa peau. Elle connaissait bien cet effet. C'était celui que produisait un dragon prêt à sortir les griffes. Le geste instinctif qu'elle esquissa pour protéger son visage eut pour conséquence immédiate de décomposer celui de Thorne. La sévérité de ses traits avait cédé la place à la consternation. « Alors, nous en sommes là. Vous vous méfiez à ce point de moi ?»« Mes nerfs ont été mis à rude épreuve aujourd'hui, » se justifia Ophélie. « Puis, vous devriez vous regarder dans une glace quand vous faites cette tête. Vous vous trouveriez effrayant, vous... »« Jamais. Je ne vous ferai du mal. » Thorne l'avait coupé avec une spontanéité si abrupte qu'Ophélie se sentit ébranlée. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut en sa sincérité. Il y a plusieurs façons de faire du mal à quelqu'un. Je n'accorde plus ma confiance qu'à très peu de personnes et, pour le moment, ni vous ni Archibald n'en faites partie. Thorne contempla ses grandes mains ensanglantées et d'un geste vain un peu gauche, Il les frotta contre sa chemise comme s'il prenait enfin conscience de ce à quoi il ressemblait. « J'ai beaucoup d'ennemis, » se renfrogna-t-il. « Je ne veux plus vous compter parmi eux. Alors dites-moi ce que je dois faire. C'est bien pour cela que vous êtes venu ici, n'est-ce pas? Vous avez un marché à me proposer, je vous écoute. » Ophélie aurait préféré avoir cette discussion ailleurs que sur ce parquet inconfortable, avec pour interlocuteur un homme sans plaie ni bosse, mais elle n'avait pas l'intention de reculer. « Je veux un travail. »« Un travail ?» répéta Thorne, son accent durcissant chaque consonne de ce mot. « Vous en avez déjà un. »« Je ne suis définitivement pas faite pour être vicomteuse. Ma prestation de ce soir a été un désastre. Elle s'est d'ailleurs très mal terminée. Je ne crois pas que M. Farouk voudra encore m'écouter. » Si Thorne fut contrarié par cette nouvelle, il ne le montra pas. « Il ne vous retirera pas sa protection. Vous êtes trop importante. Et il finira par oublier. Il finit toujours par oublier. » Ophélie espérait de tout son cœur qu'il avait raison. Rien que de repenser à ce qui s'était produit lui déclenchait des névralgies atroces. « J'ai réfléchi à la question et je souhaiterais tenir un cabinet de lecture. Je pourrais réaliser des expertises pour authentifier des objets de famille ou des... »« Accordés !» dit Thorne, sans en écouter davantage. Ophélie haussa les sourcils, stupéfaite d'avoir obtenu si rapidement gain de cause. « Évitez juste de montrer vos performances devant Farouk, » poursuivit-il. « Ça pourrait lui inspirer l'idée de vous essayer sur son livre, et le livre, c'est mon affaire. Autre chose. » « J'ai engagé un assistant, mais je n'ai actuellement aucun moyen de le rémunérer. Je ne suis pas très familière de ces questions d'argent. D'ici à ce que je puisse le rétribuer, pouvez-vous lui verser des gages pour ses services ?»« Accordé. Autre chose. »« Oui. » balbutia Ophélie, qui ne s'attendait pas à ce que cela aussi fût expédié si vite. « J'ai peur à la longue de ne plus être capable de distinguer les illusions de la réalité. Je veux revoir le monde extérieur. »« Accordé, » dit Thorne avec sa voix de couperet. « La nuit polaire est terminée et les températures remontent. Vous pourrez bientôt prendre l'air. Autre chose. » Depuis mon arrivée, je vis continuellement dans les jupons de votre tante. Je veux un domicile personnel, peu importe sa taille et son emplacement. » Accordé. Autre chose. Ophélie savait que Thorne était prêt à faire quelques concessions, mais pas un instant elle n'avait imaginé qu'il lui céderait ainsi sur tous les plans, sans émettre d'objection. Il était réellement sérieux au sujet de leur réconciliation. Ophélie décida de l'être également. Elle dénoua son écharpe, éclaircit ses lunettes et repoussa sa forêt de boucles brunes pour cesser de se cacher. « J'ai une dernière faveur à vous demander, la plus importante de toutes. Promettez-moi d'être honnête à l'avenir. Que je ne sois pour vous qu'une paire de mains, ce n'est plus un problème, » dit-elle en serrant et desserrant ses gants. « J'assumerai ce rôle du moment que c'est clairement établi entre nous et que chacun y trouve son compte. Je suis même prête à vous apprendre à lire quand vous aurez hérité de mon animisme après la cérémonie du don. Et vous m'apprendrez, vous, à apprivoiser mes griffes. Ce sera notre seul devoir conjugal, » articula-t-elle en insistant sur chaque mot. Mais voilà, pour que je vous fasse confiance à nouveau, ne me dissimulez plus rien qui me concerne directement. Cette fois, Thorne observa un long silence renfrogné, uniquement troublé par le vent qui cherchait la faille dans les coutures du manteau, à coups de bourrasque et de tourbillon. Accordé, finit-il par grommeler. Ils demeurèrent un long moment à se dévisager mutuellement, tandis que flottait une gêne nouvelle dans l'atmosphère. Ophélie aurait bien amorcé un geste symbolique, une main tendue, un sourire aimable, mais Thorne était aussi rigide qu'un bloc de marbre. Puisqu'ils en étaient aux confidences, autant en profiter. « Vous comptez sur votre mémoire personnelle pour amplifier la lecture du livre ? Elle est donc si exceptionnelle ? Thorne grimaça en entendant Ophélie mentionner le livre. Un peu plus que cela, même. Mais cette mémoire, insista Ophélie, je vais en hériter en plus de vos griffes à la cérémonie du don. Tout dépendra de votre réceptivité. Ça n'a rien d'une science exacte. Et que faites-vous de votre réceptivité à vous ? Après tout, votre mémoire ne fera peut-être pas de vous un bon liseur. Et puis, ajouta-t-elle en se remémorant le contrat, vous ne vous êtes donné que 3 mois pour apprendre à vous servir de mon pouvoir familial. En ce qui me concerne, ça m'a réclamé des années. L'échec est une éventualité, concéda Thorne. Ophélie le regarda intensément. Il faisait des pieds et des mains pour exaucer Farouk, mais il ne semblait pas réellement se soucier de l'issue d'une telle entreprise. Et que se passera-t-il si vous décevez M. Farouk après lui avoir tant promis ? Vous croyez qu'il vous anoblira en dépit de tout ? Bien sûr que non, dit Thorne sur le même ton égal. Vous seriez alors débarrassé d'un mari encombrant. Si c'était un sarcasme, Ophélie ne le trouva pas amusant du tout. Vous ne devriez pas prendre cette lecture à la légère. D'autres la prendront très au sérieux pour vous, à commencer par M. Farouk. J'ai reçu une lettre bizarre. Peu importe. Le fait est que ce livre et les secrets qu'il renferme semblent en déranger certains, plus encore peut-être que vos déchus, conclut Ophélie en montrant les débris de verre sur le sol. Thorne expulsa un soupir qui, à travers ses côtes cassées, évoqua un sifflement de théière. Cessez de parler du livre à tort et à travers. Et si ce n'est pas trop vous demander, dit-il en empoignant une liasse de feuilles, cessez d'attirer l'attention sur vous. J'aimerais à présent reprendre mon tri. Avec votre permission. J'ai vu le chevalier aujourd'hui. Il m'a tout avoué. Ophélie n'avait jamais vraiment eu l'occasion de parler avec Thorne de la façon dont il avait vécu la perte de sa famille. Du peu qu'elle en savait, son demi-frère et sa demi-sœur lui avaient mené une enfance difficile et il ne s'était pour ainsi dire plus adressé la parole depuis l'âge adulte. Aussi Ophélie fut-elle déconcertée par la façon dont le corps entier de Thorne s'était soudain contracté. « Devant témoin ?»« Non, je me demande quand même... » S'il n'est pas un peu fou. Au moment où elle disait cela, Ophélie fut frappée par une pensée. Qui d'autre qu'un fou enverrait une lettre de menace en concluant par « Dieu ne veut pas de vous ici ». Mais j'ai également eu une conversation très intéressante avec le baron Melchior, poursuivit-elle. Il m'a dit que les mirages redoutent le chevalier autant que nous. Il m'a laissé un message pour vous. Quel message ? Monsieur le baron vous recommande de perquisitionner chez son cousin Arnold. Non, Harold. Il m'a dit que ça pourrait vous aider dans votre recensement des bêtes domestiques et peut-être même davantage. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire ? Je prends acte. Se contenta de marmonner Thorne en feuilletant ce qu'il restait d'un catalogue. Ophélie fronça les sourcils. Et quoi ? C'était tout. Pour quelqu'un qui s'était engagé à ne plus faire de dissimulation, il ne fournissait pas beaucoup d'efforts. Ophélie se mit debout, engourdie de froid, en époustant sa robe de chambre. Elle était épuisée. « Je vais me coucher. N'oubliez pas vos promesses. »« Je n'oublierai pas. Je n'oublie jamais rien. » Thorne avait repris, et sa voix professionnelle et son rangement discipliné, comme si sa parenthèse de vie privée venait déjà de se refermer. Ophélie pensa que, dans 2 mois, elle serait liée à ce phénomène pour le restant de ses jours. « Si nous survivons jusque-là, » songea-t-elle en promenant son regard sur le spectacle apocalyptique de l'intendance. « Vous devriez nettoyer le sang et réparer la fenêtre avant de recevoir vos visiteurs. » Ne put-elle s'empêcher de sermonner Thorne. « Ne donnez pas aux gens des raisons supplémentaires de vous trouver douteux. » Sans lever le nez de son catalogue, Thorne sortit sa montre à gousset et, au lieu de consulter l'heure, il la serra énergiquement dans son poing. « Vous m'avez voulu honnête avec vous. Vous apprendrez donc que vous n'êtes pas pour moi qu'une paire de mains. Et je me contrefiche que les gens me trouvent douteux du moment que je ne le suis pas à vos yeux. Vous me la rendrez lorsque j'aurai tenu toutes mes promesses. » Maugréa-t-il en tendant sa montre à Ophélie sans remarquer son expression ahurie. « Et si vous doutez encore de moi à l'avenir, lisez-la. Je vous téléphonerai bientôt au sujet de votre cabinet. » ajouta-t-il négligemment en guise de revoir. Ophélie traversa le miroir puis regagna son lit dans l'atmosphère brûlante du gynécée. Elle contempla la montre de Thorne qui pulsait comme un cœur mécanique et sut que cette nuit encore, elle aurait du mal à trouver le sommeil.